Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Skyrock. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Skyrock. Yeah, yeah, baby. Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you. Artiste masculin de l'année. Okay. Artiste féminine de l'année. Révélation de l'année. Album de l'année. Right. Titre Skyrock de l'année. Mets le son en fond, la famille. Toute cette semaine, Fred te dévoile les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Okay. Ce soir, découvre quelle est la révélation de l'année. Passez une bonne soirée. Bienvenue quelques heures avant de basculer en 2015. C'est Planète Rap en direct. Révélation de l'année après avoir couronné en début de semaine Black M artiste masculin de l'année. Hier soir, c'était Indila, artiste féminine de l'année. Ce soir, révélation de l'année. Qui sera le grand gagnant? Qui sera le ou la numéro 1? On va le savoir avant 21h, avant de retrouver ce soir exceptionnellement Cut Killer Show qui va vous ambiancer sévère hein, toute la soirée. Loupez pas, faut la passer sur Skyrock entre 20h et 21h et puis après jusqu'à pas d'heure. Restez bien avec nous. Dites-nous, tiens, envoyez un petit message que vous faites là en ce moment. 41759. Inscrivez-vous aussi pour faire tourner la roulette. Hein. La dernière roulette de 2014, c'est d'ici, elle est 40-45 minutes pour peut-être repartir avec une voiture. On en reparlera. Ce sera chez Diffoul dès lundi matin entre 6h et 9h. Et là, on attaque cette révélation de l'année. Révélation de l'année 2014, les votes Planète Rap. Numéro 13. Un DJ Case avec l'artiste. DJ Case, pardon, et Cash Magnum. À la 13e position, ça commence fort. Hein. Ah, c'est du direct. Numéro 12. Numéro 12, c'est la MZ. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, tease et baiser. Numéro 11. 11e, les Marine Monsters. J'allume la mèche. Je suis au bord de la falaise. Révélation de l'année, alors je vais répéter hein, parce qu'il y a eu un petit rouage dès le début. Vous me pardonnez, hein, c'est le 31 décembre. 13e révélation de l'année, DJ Case avec l'artiste, avec H Magnum. DJ Case avec H Magnum sur le morceau du Swag. 12e MZ, 11e Marine Monster. Et là, voilà, on y arrive enfin à la 10e position. C'est DJ, un autre DJ cette fois-ci, Amida, avec l'artiste et aux côtés de Rimka et Kaina Samet. Il est 10e, c'est pour le son déconnecté. Skyrock, découvre qui sont les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Ouais, ouais, ouais. Ce soir, révélation Planète Rap de l'année, numéro 10. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. J'me suis déconnectée, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Hey, j'me suis déconnectée, je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie. J'efface mon passé maudit, j'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse, les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pourrais faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Tu vas parler, et toi ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je peux dire d'ici, je vais kiffer. Mais m'appelle pas, je suis pas là. sur Skyrock. Tout le mois de décembre, va voter pour tes artistes préférés. Thank you, thank you. Ce soir, révélation Planète Rap de l'année, numéro 9. Je vais sûrement perdre ma vie. Bang, bang. Je navigue sur un tsunami. Bang, bang. Je suis un psychopathe. Mon arme me suit au pas. Bang, bang. Je compte sur toi. Si je meurs, prie pour moi. Bang, j'ai 17 piges, j'ai besoin d'argent, je bicrave mon shit dans la street. Je rêve de pouvoir, je rêve de royaume dans des halls qui sentent la piste. Pour moi, ma vie, mon avenir rime avec l'argent facile. Seul, je manie mon navire, les keufs attendent que j'avire. Tous mes potes sont déjà tombés, alors je soigne leur plaie quand j'envoie des mandats, mais là j'ai pas fait de maille dans ce mois. Donc, quiconque me doit des thunes, va payer sinon le bitume. Cogne grâce à tête très fort, je veux pas qu'on me prenne pour une petite pute. Les mecs du quartier d'en face me font tous les nerfs. Ils me pensent faibles, mais ils savent pas que même seul touche les baisse. Ils me doivent des sous, ils me prennent pour qui depuis des mois je patiente. Ils profitent que je sois sans équipe, faut que ces bâtards la sentent. Mon ref est au placard à la santé, j'ai son tarpé. Pas question de m'en écarter, je vais dans leur test les éclater. Un baiser pour ma mère, l'espoir du pardon divin. Le quartier dans mon cœur, manque de parler, moi je dis rien. Bang bang, je vais sûrement perdre ma vie. Bang bang, je navigue sur un tsunami. Bang bang, je suis un psychopathe. Mon arme me suit au pas. Bang bang, je compte sur toi. J'ai la vingtaine, j'suis clean, ma mère est fière de son fils. Jeune étudiant, sourire aux lèvres, j'ai le cœur en paix. Tu piges, garçon à part, je brille pas dans les boîtes de nuit. Mais quand j'suis face à la lumière pour réviser mes livres. Mais la pauvreté m'a saoulé, j'ai ma famille à soulever. Solitaire et solide, sunnite, à chaque fois je souris. J'n'ai pas soif de soumet, j'aimerais bien voir souffler ma mère qui s'écroule de fatigue allongée sur son lit. J'persévère, oui, j'donne tout, j'me bats toujours même dans le gouffre. Mais mes efforts vont-ils payer, je sais pas trop, j'suis dans le doute. J'ai besoin d'une bonne bourse, continuer l'école, cousse. Celle que j'ai ne suffit plus genre la défaite qui m'entoure. Je n'ai pas fait tout ça, toutes ces études pour être sur le banc de touche. Je pète un plomb, braquage, j'ai rien à foutu dans le coup. Je prends le gun du daron, je laisserai pas la misère m'abattre. Direction la banque, je fonce, faudrait pas que la mort m'attrape. Bang bang, je vais sûrement perdre ma vie. Bang bang, je navigue sur un tsunami. Bang bang, je suis un psychopathe. Mon arme me suit au pas. Famille, français moyen, fatigué, stressé le quotidien. Ma femme est morte à l'accouchement, je n'ai que ma fille, mon pote qui vient. Le soir après le travail, tisse par les pures en balle. Je suis chez Tiffy, il est violent, le bien que je lui donne, il me le rend mal. Renfermé, timide, j'accepte sa compagnie, c'est déjà ça. Parfois il me rend service, bien que son regard ne soit pas sain. En fait, l'amour de mon gosse, pour mon bien, c'est tout ce que j'ai. Ma jolie fille, c'est tout ce que j'aime, son regard innocent me gêne. En ce moment, le frigo est vide, donc je me déchire à l'usine. Mon seul pote, garde ma fille, si on la touche, je me fusille. Ce soir, je rentre tard, la petite est en pleurs. Ce qu'elle dit me met une tarte. En tremble encore de peur. Mon seul pote, ce fils de lâche, a plus qu'en fera sa pudeur. Je vais lui mettre une balle dans le crâne pour me retirer ça du cœur. Tu m'as pris en traite en me faisant croire à de l'entraide. T'as des fusils chez toi, j'attends ce soir, j't'enterre. Bang bang, je vais sûrement perdre ma vie. Bang bang, je navigue sur un tsunami. Bang bang, je suis un psychopathe. Mon arme me suit au pas. Bang bang, compte sur toi, si je meurs, prie pour moi. Bang bang, je vais sûrement perdre ma vie. Bang bang, je navigue sur un tsunami. Bang bang, je suis un psychopathe. Mon arme me suit au pas. Bang bang, je compte sur toi. Bang bang. 200 000 votants pour les votes Planète Rap 2014. Ce soir, c'est révélation de l'année. Qui sera le ou la numéro 1? On le saura d'ici quelques minutes sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Les dernières heures de 2014, on les vit ensemble sur Skyrock. Et la 9e position pour Maska en solo. Maska de la section d'assaut. 9e pour cette catégorie révélation Planète Rap de l'année. 8e, on continue le classement. La 8e position, elle est pour Niro, qu'on écoute tout de suite. Je prends sur moi Niro qui reviendra fort aussi en 2015. On l'écoute, il est 8e. 20h-21h, les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Ah bah ouais. Révélation Planète Rap de l'année, numéro 8. On changera pas la face du monde juste avec des mots. les yeux plongés dans le vide. On voit même plus passer les saisons. Hey, comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plein à foutre de savoir qui a tort ou raison. Le caractère est très fort, mauvais tempérament. Même si souvent je tords, j'essaie de me tromper à mort. Aujourd'hui miraculé, mais gros je guéris salement. Je vois leur chatte qui fait des bulles quand je passe en berline allemand. J'ai pris mon temps, je suis resté constant. Content ou pas, on connaît la pente quand la remontant. V'là le temps passé en bois, à balourder la jumpa. Allons dire mes péchés, faire du mal à mes semblables. J'ai pas pris du poids, j'ai pris sur moi, poteau pris pour moi. J'écoute personne, tout le monde est sournois, je suis devenu sournois. Ils me boycottaient, j'écoutais leur speech. Ils sont envie, j'ai refusé leur pipe. En vrai je préfère me couper la bite que me faire sucer par ces bitches. Nous c'est comme face et pile. Ils pensent avoir tout vu avant d'avoir passé le pire. Tes rappeurs seront là où je suis dans 10 piches, ni quoi assez vite. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Les yeux plongés dans le vide. On voit même plus passer les saisons. Hey, comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plein à foutre de savoir qui a tort ou raison. Je comptabilise les échecs, j'en ai fait des victoires. Impliqué dans v'là les histoires, je m'étonne pas d'être critiqué. On aura ce qu'on méritera. J'oublierai pas quand ces salopes m'ont fermé les portes. J'ai avalé leur double vitrage. Je passe d'hôtel en hôtel, transite de ville en ville. Je rencontre les frères et sœurs qui m'aiment parce qu'on a la même vie. Des barres de rire comme on m'interpelle. Des braqueurs à mes concerts, recherchés par Interpol et risque la perpète. Chez nous des crises de rire aux crises de nerfs. Pourtant y'a qu'un pas. Tu m'atteins pas quand tu m'allumes dans le dos, gros tu m'éteins pas. J'ai de la grégousse dans ma suite, de la suite dans les idées. Des idées pour la suite, ma carrière, je suis resté fidèle. À mes soldats, je suis toujours fidèle à ma clique. Miraculé seulement parce que je suis fidèle à ma street. Je perds patience comme les reins qui tournent après la terre, non. Je prends sur moi, j'attends mon heure, mais ça commence à faire, non. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Les yeux plongés dans le vide. On voit même plus passer les saisons. Hey, comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plein à foutre de savoir qui a tort ou raison. J'prends sur moi. Skyrock, découvre qui sont les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Are you ready? Ce soir, révélation Planète Rap de l'année, numéro 7. Sur ma route, j'ai vu tomber combien de rois. Au final, c'est retour à la case départ. Dans les rues, des visages et pointés du doigt. Sans rancune, c'est retour à la case départ. Quelques mots sur un pas. D'espoir, c'est un aller sans retour à la case départ. Un peu de haine de lui, de nous, beaucoup de toi. Au cas où on se revoit à la case départ. Retour à la case départ. On a arrêté de traîner, juste en trouvant nos rôles. Au final, c'est les plus petits qu'on retrouve dans nos halls. Esclave de ma passion, je me dis que je serai jamais impoli. On nous respecte sur un coup de tête, demande à pas, c'est poli. T'as beau gagner des millions, tu vas mourir comme tout le monde. Autrement dit, même en lumière, tu vises pas plus loin qu'une ombre. Dites-moi combien d'enfants battus seront des parents violents. Combien de victimes de la route se disaient chaud au volant. Un peu partout, des guerres de religion, ce qui change c'est l'époque. Beaucoup de gens qui ont réussi diront ce qui change c'est l'époque. Les mêmes scénarios pour d'autres gens, donc faites place au suivant. On n'a pas les mêmes péchés, mais on aura le même jugement. case départ. Sur le terrain, les petits ont la coupe, mais pas le salaire à Neymar. Hey Oscar, coupe le son, ça je le veux a cappella. Libre penseur enfermé, demande à Nelson Mandela. Même si tout nous sépare, nombreux sur la ligne de départ. Et la guitare me rappelle que très tôt, je rentrais déjà très tard. F.A. Babe, Sweeney Babe, Cindy et Sultuan, ils sont après nous comme les chiens de la toile. Je les ai entendus parler combien de fois. Au final, c'est retour à la case départ. Et je les ai vus contourner combien de lois. Sans succès, retour à la case départ. Quelques mots sur un papier, beaucoup d'espoir. C'est un aller sans retour à la case départ. Un peu de elle, de lui, de nous, beaucoup de toi. Au cas où on se voit à la case départ. Sur ma route, j'ai vu tomber. Même si ce soleil s'est levé, ma carrière est remplie de vices que les chétans a meublé. Plus d'ennemis, plus de fans, plus de clap. Baby, ton son ne marche plus, t'as le buzz d'un cul de jatte. Poussé à l'arrêt de bus, regarde, j'fais peine à voir. Des rafales de larmes sont venues tuer ma joie. Tes punchlines étaient bien, mais ça paye pas les factures. Pas de télé, pas de radio, et ta carrière se fracture. La vie un court métrage où tu joues plus aucune scène. Je retourne à ma vie d'esclave, je passe plus sur aucune chaîne. J'ai perdu des êtres chers, les photos ont de la valeur. Mourir en pole position comme Walter. Sur ma route, j'ai vu tomber. Les votes Planète Rap 2014, réagissez avec le hashtag d'ailleurs, hein, vote Planète Rap sur Skyrock. Team BS à la 7ème position, la Team BS, on retrouve évidemment la Fouine. Et en espoir pour cette année 2015 avec des albums qui vont arriver, ceux de Sultan de Fababi et Cindy qui bosse dur sur son album Selfie. Elle avait annoncé d'ailleurs, hein, sur Skyrock, on exclut le nom de cet album qui s'appellera Selfie de Cindy. À la 7ème position pour cette révélation de l'année 2014, on continue le classement. On va savoir d'ici quelques minutes qui sera numéro 1 avant de retrouver Cut Killer, le Cut Killer show ce soir pour vous ambiancer. Une tuerie. Restez bien sur Skyrock pour passer la soirée. Le retour du son, il sera avec la 6ème position pour Dinos Punchlinovic. Ma paire de Nike, je m'amène le rap game. Dinos est 6ème dans cette catégorie révélation planète rap de l'année. On l'écoute juste après ça. Yo, Skyrock. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you. Ce soir, révélation Planète Rap de l'année, numéro 6. Douze mesures de guerre, concurrence par terre. Négro, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike. Ma paire de Nike, j'm'almène le rap game. Si j'fais disque d'or, j'rachète le grec de ma thèse. À l'aise, m'amène, j'éclate les wakens. Hey yo, Renoir, j'm'appelle Jules, j'suis né par césarienne. Né par césarienne. Volant se transforme en moltonnel. J'passe mes vacances sur la lune Apollo 13. Où j'me bats en croisière. Bar en croisière au Langaro sous le casino où je touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la Benz. Mets du son dans la Benz. Suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek, j'rate mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. J'm'applique et j'kick sec, ma rime se disperse. J'gagne le rap français, merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs, vous prenez pas pour Moïse, on a dit pas les mères. Merde,

C'est les votes Planète Rap 2014. Bonne soirée, les dernières heures 2014 sont sur Skyrock. Dans un instant, le Cut Killer Show toute la nuit pour vous ambiancer toute la soirée. Restez avec nous. Tiens, dites-nous ce que vous êtes en train de faire. Là, je vois des gens qui disent ouais, on va en boîte, on va aller sur les Champs-Élysées. Nous, on est chez des potes, posés. Envoyez les messages 41-759. Inscrivez-vous d'ailleurs pour la dernière roulette de 2014, là, d'ici une grosse quinzaine, vingtaine de minutes. 41-759, votre prénom, numéro de téléphone, peut-être une C1 pour vous, pour bien commencer l'année en 2015. Voiture C1 d'une valeur de 10 000 euros à choper. C'est d'ici quelques minutes. 41-759 sur Skyrock. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mes deux Fab qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Fab qui. Non, l'autre c'est... Fab. Non, c'est lui. Il veut pas venir avec moi. Ah, mais t'es pas parti encore? Mais non. J'ai... Mais il veut que j'aille chercher des mojitos. Bah, c'est pas. L'heure. C'est l'heure. Voilà, regarde, nous, voilà, on conduit pas, donc on a le droit. C'est le patron, il a parlé. Viens avec moi. Voilà, allez hop, c'est parti. Vas-y, viens avec moi. Merci. Désolé hein, pour cette petite page Morito. C'est reparti donc pour le classement. On en était à la cinquième position. Joule pour ses révélations Planète Rap de l'année. Il était cinquième après Dinos Punchlinovic. Sixième, quatrième. On attaque le dur là hein, dans ce Planète Rap révélation de l'année. Hier, elle a chopé le trophée artiste féminine de l'année. C'est Indila qu'on retrouve aussi dans cette catégorie à la quatrième position avec un live magnifique de Tournée dans le vide. Elle nous l'avait donné lors de son Planète Rap sur Skyrock. Indila avec 10,4% des votants, elle est quatrième. Découvre qui sont les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Super. Ce soir, révélation Planète Rap de l'année numéro 4. Brun, le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Taillé la pierre, fils d'ouvrier, il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, vide, vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait bien me dire ce qui est arrivé. Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Oh non, ne riez pas, ou vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Lui, c'était tout mon monde et bien plus que ça. J'espère le revoir là, pas dans l'au-delà. Aidez-moi tout s'effondre puisqu'il n'est plus là. Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat? Que tu me fais tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Tu me fais tourner dans le vide, vide, vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Et me fais tourner. Tourner dans le vide, tourner dans le vide.

Ouais, fatigué un peu. Ah, t'as déjà commencé le 31 décembre il y a plusieurs jours. Non. Ouais, voilà. Mais j'ai vu des vidéos déjà, tu t'es mis bien là, il y a quelques jours, j'ai vu quelques vidéos passer. Voilà, on s'amuse, on se prend pas au sérieux comme d'habitude. Bon bah bravo, félicitations, ouais, l'homme au cool. Bob se prépare pour 2015 et grosse ouais. révélation pour les 200 000 votants, je le disais, les gens qui ouais. ont voté pour toi. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Grosse force à tous mes Cheguets, on est ensemble. Ah bah là, j'ai l'impression que la caserne des Cheguets, il va falloir construire un peu plus, hein. Il va falloir construire quelques bâtiments en plus. Ouais. Pour accueillir tout le monde. Je te jure, non, ça fait plaisir. Grosse force aux Cheguets qui ont voté pour moi. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait un an et demi seulement qu'on est là, donc. C'est cool, Fred. Et tu ramènes le trophée dans le 59, le Nord brille. Voilà une grosse dédicace à tous les Nordistes. Tu fais quoi ce soir, gradure à la maison ce soir. Non, même je voulais être à la maison, mais j'ai un petit show vite fait dans le 9-4. Dans le 9-4 ? Donc dans le chicha à la biscuiterie. Eh bah, terrible. Eh bah, profite bien, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2015. D'accord, bah, ça fait plaisir, Fred. Voilà, il y a l'album qui arrive. Hein. Ouais, c'est 2015, ça arrive là dans quelques mois. Il y a l'album, voilà, je suis en train de le préparer doucement, je suis en train de le finir, le peaufiner. Et on va voir ce que ça va donner, premier projet, donc on va voir ce que ça va donner au plan. Bon bah fais une petite sieste. En tout cas. Fais une petite sieste tranquille et attaque bien l'année 2015. Vas-y, d'accord. Voilà, je voulais juste passer une grosse dédicace à mon frère au driver qui nous a quittés en 2014 et tous les frères enfermés et tous ceux qui nous écoutent aussi. Exact, ouais. Tous ceux qui malheureusement vont passer le nouvel an soit enfermés, soit à l'hôpital aussi. Voilà, je pense à ceux qui sont à l'hosto. Tous ceux qui dorment dehors et qui sont à l'hôpital aussi, grosse force à eux. Et voilà, on est ensemble et voilà Fred, on se voit bientôt pour un Planète Rap. Et bah à très vite en 2015 et bravo à toi et salut à tous tes Cheguets, à toute l'équipe du Cheguet Squad. Plus de rotation. On y va, on travaille là-dessus, t'inquiète pas. Vas-y, en léger. Force à toi. Ciao Gradio, merci d'avoir été avec nous ce soir. Numéro 1. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Are you ready? Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you. Ce soir, révélation Planète Rap de l'année, numéro 1. Planète Rap. Sortez les peupons, Nero, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, Nero, sortez les peupons. Sortez les peupons, Nero, sortez les peupons. Choisir une PDA City. Sortez les peupons. Je rêvais d'être footballeur, j'ai fini big graveur sur le thé. Casse ta puce pour tes marques, j'ai la sculpture T. Pour un litre en deux, on va te drive ailleurs en air. Ma tête la accélère la vie sur air. Planète Rap. J'suis dans la tourmente, ouais gros j'suis dans la tourmente. Tous ces bâtards veulent ma vie, un qui m'attend au tournant. J'suis dans la tourmente, ouais gros j'suis dans la tourmente. Tous ces bâtards me guettent du coin, un qui m'attend au tournant. Planète Rap, Skyrock. Mon zéro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trail. J'les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand j'suis en chien, me kiffe quand j'ai du rage. Au régiment, j'avais mon pharmace mini. Et au checkar, j'avais mon 762. Avant, mes chèques se battaient pour des billes. Maintenant, on fume pour 2-3 litres en feu. On est pas tous seuls. On n'est pas tout seul. Planète Rap. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Gradio, ISO, Roubaix, Sevran. On n'est pas tout seul. Skyrock. Planète Rap. Skyrock. Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon pharma, c'est un peu dans le casque. Un peu dans le casque. Ouais, je répète. Un peu dans le casse. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. Tu fais la meuf clean, qui sort pas dans les chichons. J'ai l'herge, car tu te prises dans le cul et pas la tocha. Non, pétasse, crois pas que tu vas nous bluffer. De la mais je veux partir, rien qu'avant le réveil, j'suis refait. Planète Rap. J'arrive dans le game en treillis et toute la concurrence je la baisse. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 XO. Tire des balles sur des cibles, crache ma haine sur un beat. Moi j'aboie comme un beat et ta gomme suce la bite. Dans le secteur j'abuse. Planète Rap. Planète Rap. Je continue, pas de ce qu'elle demande en plus. Thank you. des nœuds qui parlent sur moi, négro, rien que je m'en bats les couilles. Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups. Je veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Mon Dieu, donne-moi une fille bien marre de doguine et des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces semaines, elle mouille. Et quand le buzz y tombe à l'eau, mais dis-moi est-ce qu'il rouille. Un pote c'est comme un frère rebeu, donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, ta fille n'est butée à poil par son rouille. Chez Gay, faut respecter la loi, surtout la loi de la rue. Sinon tu vas te faire buter dans un trotteur sur ma rue. Ou dans une Subaru, à la Tupac à ma roue. Car ma ligne de conduite, j'ai vite skyé, accident de la roue. Claque pas d'étail en boîte pour des salopes, ça c'est de la frime hein. Charbonner pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïres, voir les jaloux nous haïr. Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'ai qui défoncé sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, ils me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'ai qui défoncé sous Jack avec une grosse feuille d'année. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. J'bois la vie au boulot, continue mon boulot. J'arrêterai une fois que j'serai joué par Pascal et Bouno. C'est pas le rap qui m'a fait manger, donc j'suis allé taper. C'est pas les potes qui m'ont fait gonfler, c'est le pandou et le marfait. Un bleu rebelle comme Yann M. Villa demande même à baffer. Voir mon public qui fait en concert, ouais mon ego ça le fait. Les voir chanter à chaque scène, pas trop me soucier de la sacelle. Et tous ces faux amis qui viennent remplis de leurs idées malsaines. Re-me-bop tout négro, sachez que le buzz est complet. J'me dis qu'il peut partir à tout moment comme l'a fait mon ex. Alors j'm'efforce de taper comme un soldat à la caserne. J'veux pas que les flics me ramènent, ni même qui me malmène. Toujours jugé par défaut à cause ma couleur est belle. Subir la discrimination en ce franc ça me fait de la peine. Ouais j't'avoue que ça me fait de la peine. Alors j'ai de me barrer. Je veux prendre mes sous d'un rap et me reverront jamais. J'écris défoncé sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. Je veux prendre mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'écris défoncé sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais, jamais. Révélation de l'année, Planète Rap 2014. C'est pour Gradure qu'on avait en ligne à l'instant sur Skyrock. C'est donc fini pour ce soir. En 2015, dès demain, 20h-21h, on attaquera le Planète Rap avec l'album de l'année. C'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez voté. Rencard demain, 20h-21h. Dans un instant, le Cut Killer Show et la roulette pour terminer. C'est parti, la roulette qui va tourner avec peut-être une voiture à la clé pour vous en 2015. Commencerait bien, non? Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, des fringues Watibé, plus l'intégrale du Watibé en CD. Ça va Sofiane à Dunkerque, le Nord en force. On écoutait Gradure à l'instant, ça va? Ouais ça va, et toi frère? Eh ben écoute très bien, on est en train de vivre les dernières heures, qu'est-ce qui se passe pour toi ce soir Sofiane? Soir, ben on va bouger en boîte avec des potes, avec des potes en fin de soirée. Se mettre bien et là tranquille, posé. Ouais, tranquillement, ouais, la poser avec la famille. Et puis en plus, dernière planète, dernier planète rap, mais dernière roulette de l'année. Avec toi, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette, Sofiane qui s'arrête sur. Eh ben voilà, l'intégrale Watibé, elle est pour toi, Sofiane. Et attends, je mets ta petite fiche. Rencard lundi matin chez Difool, 6h-9h. Avec la, peut-être la C1 pour toi d'une valeur de 10 000 euros. Sois là pour le morning de Difool. Merci à toi, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2015, Sofiane. Merci à toi aussi, Fred, à toute l'équipe. Bah, ça fait super plaisir, merci. Et bah, à très vite, ciao, Sofiane, ciao, mon pote. Merci à vous tous, franchement, une très belle année Planète Rap qui continue. Et bah, dès demain pour la suite de ces révélations. Demain, ce sera l'album de l'année, le son de l'année, ce sera vendredi. Merci à mes deux Fab, une grosse dédicace à eux qui ont bien assuré, comme d'hab. Mehdi qui traîne, soyez là demain à midi, je vais me voir l'état de Mehdi demain. Demain à midi, il sera là en forme. Et bien sûr, un bon réveillon à vous tous. Bon réveillon à vous tous, prudence sur la route, hein, franchement, tranquille. Ouais, tranquille. Ça, c'est un truc, ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, je peux le dire. Ouais. Pardon. Yes, donc en toute tranquillité, dans un instant on vous ambiance avec le Cut Killer Show, ça va mixer sévère, une grosse soirée en perspective. Et on se retrouve en 2015 demain, 20h-21h. Ciao tout le monde. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.